This evening, I would like to start by giving a talk about the Four Noble Truths. The Buddha said, "My beloved sons and daughters, due to not knowing the Four Noble Truths, both you and I have traveled without rest through samsara, like a draft ox, encountering various kinds of suffering, not wanting to age, but getting old, not wanting to get sick, but getting sick, not wanting to die, but dying, not wanting to become separated from those we love, but having to separate, not wanting to encounter those we don't like, but having to encounter them, not having what we want come to fulfillment, various kinds of suffering, in short, having the five khandhas. Due to not knowing four truths, we encounter suffering." So that's what the Buddha taught. Ce soir, j'aimerais vous parler des quatre nobles vérités. Le Bouddha a déclaré, mes chers fils et filles, du fait que nous ne connaissions pas les quatre nobles vérités, vous et moi avons erré dans le samsara comme quelque chose à la dérive, et nous avons été forcés de rencontrer toutes sortes de mésaventures. Alors que nous ne voulions pas prendre de l'âge, nous avons vieilli. Alors que nous ne voulions pas tomber malade, nous sommes tombés malades. Que nous ne voulions pas mourir, nous sommes morts à plusieurs reprises. Que nous ne voulions pas être séparés des êtres chers, nous avons été séparés d'eux. Que nous ne voulions pas rencontrer certaines personnes et que nous avons été associés malgré tout à elles. Que nous n'avons pas obtenu ce que nous voulions. Et donc le fait que nous ne connaissions pas les quatre nobles vérités nous ont exposés à toutes sortes de problèmes dus aux cinq agrégats, aux cinq khandhas. Donc, parce que nous ne connaissons pas les quatre nobles vérités, nous avons été forcés de voyager dans le samsara. À chaque vie, nous avons à nouveau vieilli, été malades et sommes morts. Nous avons rencontré toutes sortes de souffrance à chaque vie, encore et encore. Si nous voulons être libérés de cela, nous devons pratiquer afin de connaître les quatre nobles vérités. Et les quatre nobles vérités, c'est précisément ce que le Bouddha a enseigné pendant 45 ans, à partir de son illumination, à commencer par le premier discours, le Dhammacakkappavattana Sutta, mais aussi le Mahasatipatthana Sutta, dont nous récitons ici tous les jours l'introduction, et qui sert de base pour connaître les quatre nobles vérités. Alors nous sommes tous venus ici pour pratiquer les quatre établissements de l'attention, et ces quatre établissements de l'attention doivent nous permettre de connaître les quatre nobles vérités. Avant de parler des quatre nobles vérités, nous devrions d'abord discuter de ce que c'est que le mot vérité. Il y a quatre types de vérité. Samuti Satcha, la vérité conventionnelle. Vachi Satcha, la vérité orale. Paramata Satcha, la vérité ultime. Et Arya Satcha, la noble vérité. D'abord la première, Samuti Satcha, la vérité conventionnelle. Il s'agit de ce à propos de quoi les gens s'accordent pour désigner donc certaines choses. Par exemple, si quelqu'un est habillé de telle façon, on dira c'est un homme. Les hommes s'habillent de cette façon-là. Si c'est une femme, enfin si elle est habillée de telle façon, on dira c'est une femme. Si on voit quelqu'un porter des robes, on dira c'est un moine ou une nonne, si c'est des robes pour les nonnes. On peut dire « ceci c'est mon père, ceci c'est mon frère, ceci c'est ma sœur ». Tout ça, ce sont des conventions qu'on utilise afin de pouvoir communiquer ensemble. Alors, la deuxième vachi satcha, c'est dire la vérité. Donc, il s'agit de dire ce qui est vrai, sans rien ajouter, sans rien retrancher, sans rien modifier. On peut dire que c'est une affirmation de la vérité. Le troisième type de vérité, c'est Paramattha Satcha, la vérité ultime, la réalité ultime. Elle est de quatre types. Il y a quatre types de réalité ultime. D'abord, la conscience, Chitta. Ensuite, les concomitants mentaux, les états mentaux concomitants, Chetasika. Ensuite, la matérialité, Rupa. Et enfin, la cessation, Nibbana. Donc, ce sont quatre choses qui existent réellement, et pour cette raison, on les appelle Paramattha Satcha. Enfin, le quatrième type de vérité, Ariya Satcha, c'est la vérité qui rend quelqu'un noble, qui font de quelqu'un une noble personne. Et ce sont les vérités que ces nobles personnes connaissent. Il y a les vérités que vous connaissez, les quatre nobles vérités, la vérité de la souffrance, Dukkha Satcha, la vérité de la cause de la souffrance, de l'origine de la souffrance, Samudaya Satcha, la vérité de la cessation de la souffrance, Nirodha Satcha, et la vérité du chemin qui mène à la libération, Magga Satcha. Alors, la première vérité à propos de laquelle nous allons parler, c'est la seconde, en fait, c'est-à-dire Vachi Satcha, l'affirmation de la vérité, dire la vérité. Et ce type de vérité, en lui-même, est capable d'apporter des bénéfices pour lui-même, à la fois au monde et à un groupe de personnes. On peut obtenir les résultats appropriés en déployant cette qualité de cette vérité. Alors, le premier exemple qui illustre la façon dont cette vérité, qui illustre la façon dont dire la vérité peut apporter des bénéfices, c'est un exemple tiré des vies antérieures du Bouddha. Un jour, le Bouddha avait pris naissance comme une caille, et il était encore petit, un petit oiseau, et un feu de forêt s'est déclenché, très violent, qui à la fois progressait dans le sens du vent, mais aussi dans le sens contraire du vent. Donc ce feu était tellement violent que les parents de la petite caille n'ont pas été capables de l'emporter et ont été forcés de s'enfuir en laissant leur petit derrière eux. So, Ali, the first thing there is in the Yes. world is. Atilokesilad kuno. Morality. Oh, morality. Yeah, okay, sorry. Truth, loving kindness, Yeah, and the other compassion. ones. Yeah. Okay. Donc, ce petit bébé caille n'avait pas de refuge. Et il se mit à réfléchir, il y a dans le monde la moralité, la vérité, l'amour bienveillant et la compassion. Ces quatre choses existent dans le monde. Donc le minimum que l'on peut faire si on veut affirmer la vérité, c'est d'observer les cinq préceptes moraux. Pour les moines, ce sera plus, évidemment, mais donc d'observer la moralité, ça c'est le minimum. Après avoir pris les préceptes, on devrait réfléchir aux vertus du Bouddha. Donc ensuite, après cela, on devrait développer l'amour bienveillant en disant, puissent tous les êtres au monde être libres de la souffrance, du danger, être heureux et en paix. Alors, après avoir fait cela, la petite caille, donc énonça ces mots véridiques, la vérité, et donc en pali, on traduit ce passage par Ô grand feu de forêt, j'ai des ailes mais je ne peux pas voler, j'ai des pieds mais je ne peux pas marcher, mes parents m'ont abandonné, et ces mots sont véridiques. En vertu de cette affirmation de la vérité, de cette énonciation de la vérité, ne me brûle pas, mais contourne-moi. Et donc voilà, il faut savoir que les cailles ont aussi, enfin, elles étant trop petites, elles n'avaient pas d'ailes, pas de pieds, enfin, elles ne pouvaient pas encore les utiliser. Et en plus, les cailles ont un gros corps. Alors, instantanément, un grand son, un grand bruit se fit entendre, et le feu cessa de progresser, il se tint à distance, comme s'il avait atteint la bordure de l'océan. Et donc, c'est le résultat de cette affirmation de la vérité. Voilà, ce récit est repris dans le Vata Sutta, le Sutta de la caille, et ce Sutta est parfois récité comme un Sutta protecteur contre le feu, par les nonnes, les moines et les gens qui ont la foi dans cela. Voilà, donc c'est la déclaration de la vérité qui apporte la protection, et qui a apporté une protection à beaucoup de monde. La récitation de ce Sutta aussi apporte une protection à beaucoup de monde. Un autre exemple des bénéfices qu'apporte l'affirmation de la vérité, qui provient de l'époque d'Asoka, le grand Asoka, l'empereur qui avait diffusé l'enseignement du Bouddha. Et donc à cette époque, dans sa capitale de Bandhumati, une inondation prenait de plus en plus d'ampleur, le niveau des eaux n'arrêtait pas de monter, et donc il avait fait un appel dans tout le pays en demandant qui pouvait aider, et personne ne se manifestait jusqu'à ce que finalement quelqu'un se manifeste, et il s'agissait d'une prostituée. Donc on peut se demander, mais comment est-ce qu'une prostituée pouvait aider? Et donc les gens lui demandèrent, mais comment est-ce que vous pouvez aider? Et donc la prostituée prit les préceptes, réfléchit aux vertus du Bouddha, se remémora les vertus du Bouddha, rayonna l'amour bienveillant, et puis elle fit sa déclaration de vérité. Elle dit, en raison d'un mauvais karma de mes vies passées, j'ai pris naissance comme prostituée, mais, et ceci est la vérité, je ne fais aucune différence entre les riches et les pauvres, je ne fais aucune différence entre les gens célèbres ou inconnus, et je les traite de la même façon. Par le pouvoir de cette déclaration de vérité, puissent les flots reculer et libérer le pays de tout danger. Et donc immédiatement, l'inondation produit un grand bruit et commença à refluer. Et le roi avait promis que la personne qui parviendrait à aider serait faite prince héritier, si c'était un homme, ou reine principale, si c'était une femme. Et donc il appela la prostituée, la remercia, et en fit sa reine principale. Donc elle passa d'un bas statut social, d'un rang social bas, à un haut statut social, en raison de la vérité qu'elle avait proclamée. Et donc on voit les bénéfices qu'apporte le fait de faire un serment de vérité. Donc la première histoire concernait un serment de vérité fait par le Bodhisattva qui était encore une caille à l'époque. Le deuxième, donc cette pauvre femme. Et maintenant je vais raconter une troisième histoire, celle d'une famille avec un homme, une femme et un enfant en train d'écouter un ermite donner un enseignement. Et pendant que l'ermite donnait son enseignement, l'enfant jouait encore à l'extérieur au ballon parce qu'il était encore petit. La balle fut envoyée à un moment dans un trou où se cachait un serpent, et l'enfant alla récupérer la balle mais se fit mordre par le serpent qui était venimeux, et donc il tomba immédiatement sans connaissance, voilà, parce que le serpent était venimeux. Alors les parents et l'ermite virent cela, ils arrêtèrent évidemment l'enseignement, allèrent vers l'enfant, et les parents demandèrent à l'ermite de sauver leur enfant. Mais l'ermite dit, mais je n'ai pas de médicaments, je n'ai rien pour le sauver, faisons un serment de vérité. Évidemment à l'époque il n'y avait pas de médecine occidentale, etc. Donc ils en étaient réduits à cela, à ces méthodes-là. Et donc l'ermite déclara, du premier jour où je suis devenu ermite jusqu'au septième jour, j'ai été heureux, mais par la suite, pendant les 45 ou 50 ans qui ont suivi, je n'ai pas été heureux un seul jour. Et je ne l'ai jamais dit non plus, parce que si je le disais, j'aurais été critiqué. par le pouvoir de cette déclaration de vérité, puisse cet enfant guérir, et l'enfant guérit immédiatement. Donc l'enfant ouvrit les yeux. Oui, donc il n'était pas encore entièrement guéri, hein. L'enfant ouvrit les yeux, et l'ermite déclara, bon, très bien, voilà, ça c'est un tiers de la vérité qui a été proclamée, à votre tour maintenant. Et le père alors déclara, je fais des dons aux personnes de valeur, mais en réalité, je le fais sans conviction. Je me contente de donner parce que sans cela, sachant que je suis riche, les gens vont me critiquer si je ne donne pas. Et avec cette déclaration de vérité, le poison reflua dans le corps de l'enfant et il s'assit, mais il était toujours paralysé des jambes, en dessous de la ceinture. Alors l'ermite demanda, se tourna vers la mère et lui demanda de dire elle aussi, de faire elle aussi une déclaration de vérité, mais elle ne voulait pas. Pourtant il insistait encore et encore, et le père aussi lui demanda de dire la vérité, déclarant « je ne t'en tiendrai pas rigueur si ça me déplaisait ». Et finalement, la mère accepta de dire aussi la vérité. Elle déclara « je déteste le serpent qui a mordu mon enfant, mais je déteste tout autant son père qui m'a épousé uniquement pour obtenir une dotation. Si ces mots sont exacts, puisse l'enfant être libéré du poison. » Et à ces mots, l'enfant fut entièrement guéri et recommença à courir. Et donc, ces trois personnes se mirent à réfléchir sur ce qui s'était passé. Elles se dirent que c'est le fait d'avoir dit la vérité qui avait permis à cet enfant de vivre. Et ils se sont dit qu'à présent, il devrait aussi s'amender. Et l'ermite devint un meilleur religieux, donc il s'impliqua avec conviction, avec plus de conviction, et il mena une vie heureuse. À partir de ce moment-là, il expliqua au père qu'il devrait donner aussi avec conviction, et que le don pouvait le mener à terme au nirvana, que les bonnes actions pouvaient enclencher un processus qui le mènerait au nirvana. Et à la mère, il dit qu'elle devrait se réjouir d'avoir l'enfant et qu'elle devrait vivre en bonne harmonie avec de l'amour bienveillant pour tout le monde. Voilà, donc c'est une histoire qui est tirée des Jataka et qui explique comment la déclaration de vérité a pu soutenir une famille. Donc nous devrions comprendre comment le fait de dire la vérité peut nous aider à accomplir ce que nous souhaitons accomplir. Par exemple, on pourrait observer Sila, observer la moralité pendant plusieurs années, 3 ans par exemple, et après avoir fait cela, proclamer cette vérité que, en vertu de la moralité que j'ai maintenue pure pendant ces 3 années, sans désir pour la gloire ou pour le gain, je sois libéré de situations désagréables. En Birmanie, c'est quelque chose qui est utilisé fréquemment afin d'accomplir des choses qu'on n'est pas nécessairement en mesure de réaliser tout de suite. Et il y a beaucoup d'exemples qui montrent que ça a fonctionné aussi. À présent, j'aimerais parler de Samuti Satcha, la vérité conventionnelle. Il s'agit donc de mots qui sont utilisés pour désigner toutes sortes de choses, par exemple mon frère, ma sœur aînée, etc. Des choses sur lesquelles tout le monde s'accorde. On sait que quelqu'un qui s'habille, qui ressemble à ça, c'est un moine ou une nonne, etc. Aussi, dans le corps, il y a des vérités conventionnelles, par exemple l'œil, l'oreille, le nez, etc. Donc, la vérité conventionnelle, on ne peut l'ignorer ou en faire l'économie, mais on ne doit pas non plus s'y attacher. Donc si on a beaucoup d'attachement aux personnes, à mon père, à ma mère, etc., ce n'est pas bon et on ne pratiquera pas, on n'ira pas méditer, par exemple. Alors, l'esprit et la matière, ce sont des exemples de réalité ultime. Il faut essayer donc de voir, ça c'est une chose, mais d'un autre côté, on ne peut pas non plus faire abstraction, ignorer la vérité conventionnelle. Par exemple, on ne peut pas aller tuer quelqu'un et puis dire, ah mais y a pas, ça n'existe pas les personnes. Bon ben, si on fait ça, on terminera en prison et puis selon l'enseignement bouddhiste, on renaîtra dans les plans d'existence inférieurs. Aussi, on a besoin de la vérité conventionnelle pour vivre dans le monde de façon harmonieuse. Mais par contre, lorsque nous méditons, à ce moment-là, nous devons mettre la vérité conventionnelle de côté, puisqu'on essaye de voir la vérité ultime. Donc il y a quatre types. Maintenant, on passe à la dernière vérité, Paramattha-saccha, la vérité ultime. Elle est de quatre types, comme je l'ai déjà dit plus tôt. Citta, les consciences, Cetasika, les concomitants mentaux, Rupa, la matérialité, et Nibbana, la cessation. Donc, la première de ces quatre vérités ultimes, Citta, les consciences, la conscience a la nature de connaître l'objet. Au début, quand on pratique la méditation, on n'est pas calme, l'esprit va ici et là, de tous côtés. Mais l'esprit n'est pas notre ennemi. L'esprit est ce qui nous permet de connaître un objet. Et si on parvient à l'observer, on pourra connaître aussi Nibbana. Si on parvient à observer la façon dont il apparaît et il disparaît, etc. Alors chaque fois que la conscience apparaît, elle est accompagnée des concomitants mentaux, Cetasika. Par exemple, l'avidité ou la non-avidité, la colère ou la non-colère, l'illusion ou la non-illusion. Donc il y a divers types de concomitants mentaux, à la fois bons et mauvais. Dans le monde, lorsque des crimes sont accomplis, par exemple des meurtres, des tueries, etc., ils sont dus au cetasika de la colère, dosa cetasika. Chaque fois que l'esprit apparaît, les états mentaux l'accompagnent. L'esprit dirige, les états mentaux le suivent. Si l'esprit est sain et bénéfique, les états mentaux le seront aussi. S'il est malsain ou néfaste, les états mentaux le seront aussi. Dans le monde, les gens font et disent des mauvaises choses en raison d'esprits malsains ou impurs. Les guerres, etc., existent dans le monde parce que les gens ne sont pas capables de contrôler leur esprit. Donc il y a l'esprit, il y a les concomitants mentaux, et ensuite il y a la matérialité, rupa. Ce corps est composé de matière, de matérialité. Le corps des hommes est composé de 27 types de matière, le corps des femmes aussi. Et la nature de rupa, de la matière, c'est de ne pas savoir. Sa nature, c'est aussi d'être instable, de ne pas rester pareil à lui-même, de se transformer. Et sa nature aussi, c'est d'être douloureux, de devenir engourdi, etc. L'état mental de Vedana, du ressenti, sa nature, c'est d'expérimenter ses douleurs, ses engourdissements, etc., qui relèvent de la matérialité. La nature de l'esprit, c'est de savoir, c'est de connaître ses douleurs, ses engourdissements, etc. Lorsque l'on pratique Cittanupassana, on observe l'esprit. Lorsque l'on pratique Vedananupassana, on observe les ressentis. Lorsque l'on pratique Dhammanupassana, on observe les autres phénomènes. Lorsque l'on pense aussi, il faut observer ce phénomène. La pensée n'est pas notre ennemi et on doit l'observer afin de connaître sa nature. afin de connaître la nature de l'esprit. Si on observe encore et encore, de cette façon, on pourra atteindre le Nibbana. Alors, la matière est quelque chose qui s'étend, qui se contracte, qui marche, qui est debout. Et pour connaître la vérité ultime, Paramata Satcha, il faut observer la matière. Afin de connaître sa véritable nature, par exemple les tensions, les raideurs, etc. Et afin de comprendre qu'elle est impermanente, qu'elle est souffrance et qu'elle n'est pas sous contrôle. Donc il y a citta, l'esprit, cetasika, les concomitants mentaux, rupa, la matière, qu'on peut regrouper simplement en deux catégories, le corps et l'esprit. En outre, il y a Nibbana, qui n'est ni le corps ni l'esprit, qui est plutôt la cessation du corps et de l'esprit. Néanmoins, le yogi peut connaître, il peut voir Nibbana, il peut en venir à voir Nibbana, à connaître Nibbana, en observant le corps et l'esprit. Donc voilà, ce sont les quatre vérités ultimes, Paramata Satcha, et il nous reste à voir le dernier type de vérité, les quatre nobles vérités, mais on continuera cela demain. Je vais seulement le dire très brièvement maintenant. Donc, dans chacun de nous, il y a l'esprit et la matière, chez tous les êtres de l'univers, et on appelle cet esprit et cette matière la souffrance. On appelle cela la vérité de la souffrance, parce que tous les êtres sont condamnés à vieillir, à être malades et à mourir. C'est le désir avide qui cause la souffrance, et on appelle cela la vérité de l'origine de la souffrance, Samudaya Satcha. Il y a une cessation de la souffrance, c'est la vérité de la cessation de la souffrance, Nirodha Satcha. Il y a un chemin qui mène à la cessation de la souffrance, et c'est Magga Satcha, la vérité du chemin. Alors puissiez-vous tous, en parcourant en suivant cette pratique du Satipatthana, être capable de connaître la vérité de la souffrance qui apparaît constamment, continuellement dans ce corps, et puissiez-vous éliminer la vérité de l'origine de la souffrance, le désir, et puissiez-vous développer le chemin qui mène au Nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu. So may all of you, by walking this path of Satipatthana, be able to know the truth of suffering. By knowing dukkha satcha, the mind and matter that arises in our being continually, may you dispel the truth of craving. And by the path of practice, may you develop the path of Satipatthana, that is the path leading to cessation, and realize the peace of Nibbana.